Le fantôme par Armand Sylvestre. Chapitre 1er. Vous plaît-il de me suivre aujourd'hui sous le beau ciel d'Espagne? Là-bas, le temps des roses n'est jamais fini et tout sourit dans la nature ensoleillée. N'alléguez pas la longueur du chemin, nous sommes déjà arrivés. Car c'est ainsi que se font les promenades de la pensée, lesquelles sont les plus économiques que je sache et les moins fécondes en péril. Nous voici à Vitoria. Une petite ville charmante où vous vous arrêterez comme moi avec plaisir. La nuit est la plus belle du monde, toute constellée d'étoiles, et c'est un charmant décor que celui de la grande place, dont la lune couvre le sol d'une nappe d'argent. Tout repose et nous apercevons seulement une lumière aux fenêtres de la maison du docteur Florentes, un des plus illustres praticiens du pays, et avec qui il faut que je vous fasse faire immédiatement connaissance. Ce professeur émérite, et d'un âge respectable déjà, avait deux soucis qui empoisonnaient une vie faite d'ailleurs pour être heureuse. Car l'état de médecin est encore le plus beau de tous, puisqu'on peut y commettre 1000 bévues sans encourir le moindre blâme, et qu'on y tue des gens sans avoir besoin d'en rendre compte à personne. Mais il n'est pas de bonheur parfait ici-bas. Le docteur Florentes possédait une nièce, dont l'établissement le préoccupait beaucoup, et un jardin que les mulots dévastaient à sa grande désolation. Aussi savez-vous ce qu'il faisait derrière la croisée où nous avons aperçu une clarté à cette heure avancée? Eh bien, il composait dans le silence de son laboratoire, car il exécutait les fonctions d'apothicaire avec celles de docteur, un liquide vénéneux pour se débarrasser des rongeurs dont ses plates-bandes étaient infestées, une solution de phosphore qui devait faire mourir dans les plus horribles coliques ses innombrables ennemis. Et il prenait un plaisir méchant à pressentir les souffrances abominables dont les infortunés petits quadrupèdes lui seraient redevables. Entre-temps, il pensait aussi à sa nièce Peppa, à qui les prétendants ne manquaient pas, mais qui se montrait très difficile sur le choix d'un mari. Peut-être en avait-elle le droit, car c'était une personne charmante, un peu fantasque, capricieuse, mais excellente au fond et de plus jolie comme un cœur, ce qui n'a jamais gâté rien. Je ne vous laisserai pas ignorer plus longtemps le secret de résistance de Peppa à tous les partis que lui présentait son oncle. Elle aimait un sien cousin qui n'avait aucune fortune, s'était embarqué et avait juré de ne revenir que lorsqu'il pourrait demander sa main. Ce petit roman de fidélité à distance semblait une paire rêverie à M. Florentes, qui était un homme positif et proposait successivement à la fantaisiste jeune fille les bourgeois les mieux apparentés de Vitoria, sans pouvoir jamais en faire agréer aucun. En attendant, la maison était assiégée par un tas de jeunes guitaristes qui, suivant l'usage espagnol, venaient soupirer des sérénades sous les fenêtres de la plus jolie fille de l'endroit. Cette musique avait le don de mettre le docteur dans une colère épouvantable. Ces harmonieux soupirants étaient pour lui un continuel cauchemar. Il ne manquait jamais de leur donner la chasse, avec d'autant plus d'ardeur que Peppa les écoutait avec plus de complaisance inquiétante et que sa coquetterie était intérieurement flattée de ses sonores hommages. Vous connaissez maintenant, comme moi, les préoccupations de l'excellent homme en train de composer une nouvelle Morora. Chapitre 2e. Alors, rien ne nous empêche de l'abandonner à ce joli travail pour courir un autre coin de la ville, presque à l'extrémité du faubourg et dans le quartier que borde une belle année de platanes, se prolongeant fort avant dans la campagne. Là non plus on ne dort pas. Un grand garçon, de belle stature, accorde sa mandoline, et une jeune fille aux cheveux noirs pleure en le regardant. C'est José et Lota. Qui, José? Un des plus habiles du pays à faire vibrer une chanson d'amour sous les fenêtres d'une belle, une phase de conquérant de petite ville fort content de soi et plein de vanité. Et Lota, la fiancée de ce prétentieux personnage et qu'il aimait de tout son cœur, la pauvre et naïve enfant qu'elle était. C'est que José, à son orgueil de chanteur près, n'était pas un mauvais garçon. Mais voilà, il avait de l'ambition en tête. Ne pourrait-il pas se faire aimer d'une demoiselle de plus haute naissance et mieux pourvue de dot que Lota, qui n'avait pour toute fortune que ses yeux brûlants comme du piment et son sourire pareil à l'épanouissement d'une fleur. Il vaut mieux que je vous le dise tout de suite. José avait levé les yeux jusqu'à la belle Peppa, la nièce du docteur Florentès, et c'était dans l'intention d'aller soupirer quelques galants couplets sur son seuil qu'il préparait l'instrument qui devait accompagner sa voix. En vain, Lotha l'avait supplié de ne lui pas faire cette peine. N'était-elle pas bien la femme qu'il lui fallait, elle qu'il connaissait depuis son enfance, qui avait toujours été sa camarade fidèle, et qui n'avait jamais rêvé dans sa vie à quoi sa vie à lui ne fût associée? Pouvait-il être aussi heureux avec une autre? Elle lui avait dit tout cela de la plus touchante façon du monde, avec des sanglots dans la voix et de petites menaces désolées, qui eussent attendri tout autre que le présomptueux garçon. « Tu sais, lui dit-elle, si tu continues à faire la cour à cette jeune fille, eh bien, je me tuerai !» José se contenta de hausser les épaules, tout en s'assurant que sa mandoline donnait bien le la. Est-ce qu'il croyait au désespoir d'amour? Il appartenait à l'aimable génération de sceptiques que l'Espagne possède aujourd'hui aussi bien que nous. George Sand a merveilleusement tracé dans Claudie cette silhouette de villageois qui ne croit à rien et regarde comme de petits esprits ceux qui se laissent aller au mouvement de leur cœur. Et cependant, la seule chance de bonheur ici-bas est bien dans cette faculté d'entraînement qui nous fait quelquefois bon malgré nous-mêmes et nous donne les plus belles joies de la conscience satisfaite. José était donc de ceux qui font profession de mépriser tout cela. En somme, il n'était pas si mauvais qu'il le voulait bien imaginer lui-même, car je vous jure que s'il eût cru vraiment que Lotha se tua pour lui, il se serait bien gardé de partir. « Reste, je t'en prie, » lui demanda une dernière fois la suppliante. Il fit une pirouette sur ses talons, ajusta sa guitare sur son dos d'un mouvement de main et fila vers la maison du docteur Florentès sans en demander davantage. Lotha, désolée, demeura songeuse et la tête entre les mains. Chapitre 3e. Je vous ai dit qu'il faisait un temps superbe, une de ces nuits tièdes qui dans leur voile roulent des souffles embaumés. José se sentait plein d'un coupable courage. Il lui semblait que Pepa lui avait souri au sortir des vêpres. Il savait qu'elle refusait tous les prétendants qui lui étaient amenés. Hé, qui sait? C'était peut-être bien pour lui qu'elle se montrait si malaisée avec les autres. Et l'amour n'emplissait pas seul le rêve de notre chanteur de sérénade. Le docteur avait du bien, et certainement il laisserait ça un jour à Pepa qui était toute sa famille. Au lieu de mener avec la pauvre Lotha une vie de travail, il vivrait gentiment des rentes de sa femme et ferait grand train dans la petite ville où on l'aurait connu gueux comme un bohémien. Qui sait encore? Il pourrait peut-être devenir alcade, lui, José, lui qui avait mené des chèvres dans son enfance, quand Lotha et lui se tenaient par la main comme font les petits et prenaient leur goûter aux branches noires des mûriers sauvages. L'ingrat put oublier cette charmante idylle des premières années, laquelle eût dû lui sembler la meilleure image de la vie à venir. Ah, que le souci de la richesse rend les hommes méprisables quelquefois. Sur la route qu'il parcourait à grands pas, José voyait s'élever d'imaginaires châteaux dans la buée diamantée qui montait des prairies inondées de lune. Il était grand seigneur, et les chansons des cigales, aux deux côtés du chemin, lui semblaient l'hymne triomphal dont sa nouvelle fortune était célébrée. C'est dans cet ordre de pensées ambitieuses qu'il parvint jusqu'à la place où était la maison de l'oncle de Pepa et devant laquelle je vous ai conduit tout à l'heure. Faut-il vous dire toute la vérité? Eh bien, Pepa ne dormait pas. Elle adorait, elle, ces sérénades qui mettaient le docteur dans une si belle colère, mais elle n'y cherchait pas malice au moins, simple coquetterie de jeune fille. Et quelle est donc celle qui n'est pas sensible à des vers où sont chantées ses louanges, surtout quand ces vers sont dits par une jolie voix? Or, j'ai dit que celle de José était fort agréable et n'en était pas à son coup d'essai musical. Sans en être pour cela moins fidèle au souvenir de son cousin, Pepa trouvait dans ses innocents hommages une distraction qui manquait à la vie un peu monotone qu'elle trouvait avec son savant oncle, qui était un remarquable chimiste, mais un bonhomme tout à fait ennuyeux. Une fois à son poste, José préluda. Il préluda tout doucement, et sur un motif mystérieux tout à fait en situation. Il n'aurait peut-être pas eu un sourire aussi vainqueur aux lèvres s'il avait pu voir la grimace dont ses premiers accords crispèrent la figure de maître Florentès derrière sa croisée. Le docteur, sans rien dire, s'en alla jusqu'à la fontaine qui était au fond de son laboratoire et y remplit une terrine d'eau. Après quoi, ne pensant plus à la pénétration de son liquide phosphoré pour les mulots, il s'en revint se placer auprès de sa fenêtre. Chapitre 4e. À ce moment, José commençait son premier couplet, un couplet où il dépeignait sa flamme brûlante, un incendiaire couplet que Pépa entendait de sa chambre et qu'elle trouvait charmant. « Animal !» murmura le docteur en crispant les poings quand le couplet fut fini. « Si ma nièce ne dormait pas profondément, elle en entendrait vraiment de belles. » Toujours plein de sérénité, José promenait une seconde fois la plume légère le long de sa mandoline et commençait un instant après une seconde strophe plus passionnée encore que la première. La patience du professeur Florentès était à bout. Quand ce second morceau fut fini, il ouvrit d'un coup de poing la fenêtre et vida brusquement dans la rue, dans le sens du chanteur, la terrine qu'il avait été remplir. « Tiens, coquin, voilà pour ta peine !» Un cri retentit sur la place, un cri qui glaça le docteur d'effroi. Puis il pâlit et faillit se trouver mal. Dans sa précipitation furieuse, il s'était trompé. Ce n'était pas de l'eau qu'il avait jetée par la fenêtre, mais le liquide phosphoré destiné à la mort des mulots. Le malheureux qu'il avait atteint devait être horriblement brûlé. Il avait commis, sans le vouloir, un assassinat. Ce cri d'angoisse, c'était bien ça, la victime demandant vengeance. Elle porterait plainte, certainement, contre cette indignité. Il serait traîné devant les tribunaux et condamné, certainement, aveuglé un guitariste en Espagne. Et que resterait-il donc à ce charmant pays sans cette poésie des sérénades qui fait les nuits si belles? Ce pauvre Florentès se sentit envahir d'un remords épouvantable, étreint par une invincible terreur. Ses jambes se dérobaient sous lui et il se réfugia dans la chambre de Pépa qui, elle aussi, faillit s'évanouir au récit de cet affreux accident. Chapitre 5e. Vous croyez, n'est-ce pas? L'infortuné José brûlé par une malséante douche du docteur. Détrompez-vous. C'eût été justice, à mon avis, mais le royaume de la justice n'est pas de ce monde. Ce n'était pas José qui avait reçu cette dangereuse ondée. Qui alors, puisque quelqu'un avait crié dans la nuit, qui? La malheureuse Lotta, qui n'y tenant plus, chassée de sa maison par le désespoir, s'étant mis à la poursuite de l'infidèle, le rejoignait sur la petite place, le cœur gonflé de reproches et les yeux inondés de larmes, au moment même où l'éminent Florentès se livrait à son hydraulique fantaisie. Oui, mes enfants, c'était la pauvrette qui avait tout reçu. Mais je veux vous rassurer bien vite, et ne pas vous laisser croire plus longtemps que la Providence ait pu aussi parfaitement abandonner une personne si digne d'intérêt. La solution que le docteur Florentès était en train d'élaborer n'était pas arrivée encore à son maximum de concumation. Certes, la pauvre Lotta éprouva une vive piqûre au visage en se sentant mouillée, et c'est la raison du cri qui lui était échappé. Mais la liqueur n'était pas assez corrosive pour que son nez, ses yeux et sa bouche eussent pu courir le moindre danger. Elle en avait été quitte, comme on dit, quitte pour la peur et aussi pour une démangeaison qui n'avait rien de fort agréable. Mais c'est ici que se place une conséquence tout à fait inattendue de cet accident et qui est le fond même de ce récit. Vous connaissez tous la propriété dont jouit le phosphore d'être lumineux dans l'obscurité. Il n'est personne qui ne l'ait constaté quelques nuits, en voyant à ses doigts la trace blanche et fumante des allumettes, et la lune avait disparu derrière un nuage et il faisait nuit noire. Le baptême qu'avait reçu Lotta eut le plus imprévu des effets. Il l'avait rendue phosphorescente et pareille à une vision fantastique, l'enveloppant d'une buée de clarté bleuâtre, la faisant semblable à un spectre dont un astre mystérieux eût éclairé les formes indécises et flottantes. Elle-même ne s'en apercevait pas complètement, ne pouvant voir son propre visage. La frayeur qu'elle avait eue la rendait d'ailleurs à peu près inconsciente de son nouvel état. Pendant que José détalait à son approche, sa guitare ballottant à ses reins, elle s'était également sauvée et, elle aussi, avait repris le chemin du quartier qu'ils habitaient l'un et l'autre. José y était toutefois arrivé longtemps avant elle. N'avait-il pas perdu la clé de sa maison dans sa course précipitée? Il était donc là, devant sa porte, ne pouvant entrer et plein de réflexions tout à fait mélancoliques. Après tout, c'était bien fait. Il avait été cruel avec Lotta, et il était justement puni. Le remords montait lentement dans son esprit, et il revenait sensiblement de ses illusions. Il renoncerait à chercher ainsi fortune amoureuse, et il épouserait cette excellente Lotta, qui était absolument la femme qui lui convenait. Il lui demanderait pardon, morbleu, il ferait devant elle amende honorable. Mais où était Lotta? Quand elle était venue le surprendre sur la place, elle semblait avoir de sinistres projets et je ne sais quoi de fatal dans leur regard. Il en avait été frappé. Oh mon Dieu, aurait-elle mis à exécution sa terrible menace? Se serait-elle tuée, juste ciel? Et le pauvre José sentait une sueur froide inonder ses tempes à cette seule pensée. Je vous l'ai dit, il n'était pas mauvais au fond. Et l'idée d'avoir causé un pareil malheur était pour le précipiter lui-même dans quelques résolutions désespérées. Qu'avait pu devenir Lotta? Comment ne rentrait-elle pas chez elle? Le malheureux était atterré et faisait peine à voir. Et cette nuit, dont un nuage semblait avoir emporté la lune et les étoiles, cette nuit épaisse et sombre où il se trouvait seul, poursuivi par un abominable pressentiment. À ce moment, une forme blanche, vaporeuse, comme nimbée d'une lumière doucement azurée, apparut au détour de la rue, se dirigeant vers lui. Son cœur battait à rompre sa poitrine. Il voulait appeler, mais sa voix mourait dans son gosier. Lotta. C'était Lotta qui était devant lui. Non pas Lotta elle-même, mais son ombre, mais son spectre, mais son fantôme. Lotta qui s'était tuée et dont l'âme le venait accabler de reproches et brisée de repentir. Et le spectre avançait toujours, silencieusement, comme un être surnaturel qui ne regarde rien autour de lui. José sentit ses genoux ployés et fou de terreur, ne pouvant fuir parce qu'il avait reculé jusque dans l'angle de sa porte, prit un courage désespéré pour courir au-devant de l'apparition et lui demander grâce. « Pardonne, Lotta, pardonne » murmurait-il d'une voix suppliante et les mains jointes. Lotta, car c'était bien elle, dans sa robe de phosphore fumant, Lotta, qui ne le voyait pas dans son obscurité complète, était tout interdite en entendant cette voix désespérée sortir des ténèbres. « Pardonne, Lotta, pardonne !» répétait la voix. « Je n'épouserai que toi, si tu vis encore, et si tu es morte, je te suivrai dans le tombeau. » Et c'étaient des paroles sans fin d'amour et de regret. Il n'avait jamais aimé qu'elle. Il avait été un fou de courir après le cœur et la main d'une autre, pauvre Lotta. Il ne savait pas lui-même à quel point il l'adorait. Il ne lui surveillerait pas une heure. Lotta avait fini par reconnaître sa voix, et faut-il le dire, elle jouissait silencieusement de cette belle musique d'amour, autrement vraie et sincère que la plus belle sérénade. Elle écoutait avec ivresse ses mots passionnés et son nom répété sans cesse avec cet accent ému et pénétrant. « C'est bien vrai tout ce que tu me dis, José, » finit-elle par murmurer d'une voix très douce. José faillit s'évanouir en l'entendant. « C'est vrai, oui, c'est vrai, ma bien-aimée, je te le jure, je n'ai jamais aimé vraiment que toi. » Elle lui tendit sa main. Et à ce moment même, une sorte de déchirure se fit dans le ciel qu'un coup de vent balaya et où commencèrent à monter les premières clartés blanches de l'aube. Ce fut comme une poussière de jour, une poussière d'argent qui s'éleva de l'horizon. Ce retour rapidement accentué de la lumière dissipa bien vite le fantastique aspect dont Lotta était arrivée revêtue. Le phosphore ne luit que dans l'ombre parfaite. Elle aussi voyait clair maintenant et contemplait avec une joie naïve José, toujours à ses pieds, et qui continuait ses amoureuses protestations, ne l'ayant jamais trouvée si charmante qu'au sortir de ce suaire de vapeur et son beau visage allongé par cette nuit d'angoisse. Il était sincère, car il l'épousera dans un mois. Chapitre 6e. Eh bien, et Pepa, et le docteur Florentès, mon Dieu, tout va à merveille chez eux. Le cousin de Pepa est revenu. Eux aussi vont se marier. Et l'éminent praticien pourra dorénavant se consacrer, sans autre souci, à la destruction des mulots qui rongent aux racines les plus belles fleurs de son jardin. Ainsi s'achève le fantôme d'Armand Sylvestre.